qui redécouvre après des dizaines d'années. On sait que le fight bike, c'est ce qui est le sport qui est un bicycle fait avec de grosses roues, est en pleine expansion. Et au centre de ski de Domiski, ben, on entretient beaucoup les pistes afin de développer ce sport. Ben, au moment où on se parle, Annie, présentement, là, j'ai deux membres du CA bénévoles, des administrateurs bénévoles qui travaillent sur un rouleau pour améliorer la qualité des pistes de fat bike. On a une armée de bénévoles, je peux me permettre l'expression, qui travaille à l'année pour entretenir les sentiers, pour que les sentiers soient utilisés à l'année, et puis justement pour que les sentiers soient aussi accessibles l'hiver pour le fat bike. On a un nouveau vélo parc pour le fat bike aussi, puis le vélo de montagne. Vraiment, on va avoir des vélos en location aussi, fait que les gens peuvent les essayer quand on a fait notre vente. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Jacques Demers qui a dirigé à la Classique hivernale. Également, je me suis entretenu aussi avec Guillaume Petrin, le nouveau coordonnateur du centre de ski de Domiski, et Sébastien Morin vient nous parler de la semaine chez les Saguenay de Chicoutimi. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.